J'ai la dalle. Mais vers 8h30, soudain tout devient flou. Je fais des mélanges de fou. Un petit raccord aux toilettes et tout redevient net. Mais demain c'est jeudi, allez je vais au lit. La bibine comme ma sœur, je connais par cœur. Et les matins que je bois, ta chaise n'est pas sympa. Et ma tante de bois, ou même ta chaise n'est pas sympa. Vendredi midi à la cantine, c'est la grosse fatigue. Avec les camarades de l'usine, on s'est mis dans la fumette, la lisette, l'apéro. 10h du matin, et le patron n'est pas très content. Très content, très content. Test saliveur sur le parking, on est positif. On a dit au revoir à nos permis et au gagne-pain. Aïe aïe aïe, la faute grave, France travaille. Mais pour 8h30, je suis en Sibérie. Ma femme me vire de Bisbar. Elle m'avait prévenu, mais cette fois c'est fini. Alors je bois du calva, je fête le RSA. La bibine comme ma sœur, je connais par cœur. Et les matins qu'elle te voit, ou même la chaise n'est pas sympa. Les matins gueule de bois, ou même la chaise n'est pas sympa.